Merci d'être venu pour cette conférence « Comprendre la Chine d'aujourd'hui » par Jean-Luc Doménache. Il est directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po et spécialiste de la Chine. Bonne conférence à tous. Merci. Merci. Est-ce que la professeure de chinois est ici? Non? Pas encore? Non, malheureusement. Et écoutez, bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous, d'autant que j'ai toute une tradition de venir à Issy-les-Moulineaux, parce qu'avant, je faisais des conférences il y avait un système de conférences très, très, très bien. Et j'ai gardé un excellent souvenir d'Issy-les-Moulineaux. Parfois, c'était un peu chaud parce que certaines conférences que je faisais se déroulaient à un moment où la révolution culturelle, suscitait des prises de parti très diverses. Et moi-même, je n'étais pas très, très enthousiaste. La suite ne m'a pas donné tort, d'ailleurs. Alors, en tout cas, j'ai gardé un très, très bon souvenir d'Issy-les-Moulineaux. Alors, je m'appelle Jean-Luc Domenac, il faut dire la vérité, je suis le fils de mon père, et mon père était lui-même un journaliste et un ancien résistant qui entrait en moto à l'Élysée pour rencontrer le général de Gaulle, enfin qui était quelqu'un... Et moi, mon père était tellement important... Il était très connu à l'époque, que j'ai décidé de m'occuper de quelque chose où il ne pourrait pas me faire ombrage. Et donc, j'ai regardé la carte et je suis allé au plus loin possible. Mon père a essayé de me suivre d'ailleurs. J'ai commencé à apprendre le chinois. Il s'y est mis aussi, il a commencé lui aussi, mais il n'a pas eu le temps de me suivre complètement. Et j'ai, on peut dire, depuis... mes 20 ans, j'ai vécu avec la Chine, j'ai été une cinquantaine de fois en Chine, j'y ai vécu 5 ans, plus 2 ans à Hong Kong, où d'ailleurs j'ai des souvenirs extraordinaires, c'est magnifique Hong Kong, mais c'est aussi très tragique. Je me rappelle la première promenade que je faisais avec ma toute jeune fille. On a vu une tache rouge dans l'eau, c'était un cadavre, c'était quelqu'un qui avait voulu nager à partir de Canton et qui s'était fait manger par un requin. Donc voilà, j'ai eu des expériences extraordinaires en Chine, et j'ai eu ces expériences à la fois parce que j'aime beaucoup rencontrer les gens, etc., mais aussi parce que j'ai été employé par le ministère des Affaires étrangères pour aider un petit peu à la compréhension, et que j'aime bien les gens, et j'ai tout de suite fait connaissance avec des Chinois de très importants. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent... il ne faut pas quand même entrer dans le détail. Mais j'ai rencontré Deng Xiaoping, par exemple. J'ai rencontré ensuite le grand patron de la police. J'ai rencontré le patron de celui qui a été le patron également du parti pendant un moment, etc., etc. Et ça a été pour moi passionnant. Mais en même temps, j'ai aussi beaucoup été dans la population. Et je faisais de la bicyclette, je me rappelle. Et j'ai été arrêté, j'ai été demandé en mariage 2 fois. Dans des fermes. Une fois, c'était d'ailleurs pas une ferme, c'est que j'avais été arrêté par la police parce que j'étais dans un endroit qui n'était pas ouvert, disons, aux étrangers, moi je savais pas. Et puis j'avais fait semblant, si je savais. Mais enfin, j'ai bien dit que je ne savais pas. Et je me rappelle que la cellule où j'étais était en terre battue. Que j'avais un boulet au pied, comme dans Monte Cristo, vous voyez les histoires pour se déplacer, pour aller aux toilettes, qui était d'ailleurs infâme. Et au matin, au petit matin, on tape un grand coup de pied dans la porte, et c'est quelqu'un qui me dit: « Je suis le commissaire de police, j'ai bien réfléchi, tu épouses ma fille et tu deviens mon représentant en Europe, c'est toi qui feras le commerce de mes confitures. Vous avez des confitures. C'était l'époque où la Chine s'ouvrait, disons. Et moi, je suis bon mari, etc. Et ça me plaisait pas tant que ça. Mais j'ai eu une illumination. Et je me suis dit, c'est quand même le début, ça va mieux, etc. Les jeunes maintenant pensent à eux, et donc à tous les coups, elle doit avoir un amoureux quelque part. Il faut se mettre d'accord. Il faut qu'elle me dise comment faire pour s'en sortir, quoi. Alors, je dis au monsieur, je lui dis, écoutez, il faudrait quand même que je rencontre votre fille. Ah oui, c'est vrai, finalement, etc. Et on se trouve là, je lui dis avec mon chinois un peu comme ça, mais le chien était alors un chinois local, et je lui dis, écoutez, certainement, j'imagine que ça vous passionne pas. Il me dit, non, j'ai un petit fiancé, etc. Je lui dis, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors elle me dit, bah, écoutez, c'est très simple, il faut lui faire boire. Et elle me donne le nom de la bière qu'il aimait. Et donc, je dis au commissaire de police, écoutez, il faut qu'on fête ça, allons boire un coup. Il me dit, bonne idée, allons boire un coup. Quatre heures à peu près ensuite, il a basculé par terre. Et moi, j'ai volé un vélo et j'ai roulé pendant 3 jours avant de m'effondrer par terre dans la banlieue de Shanghai. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Puis la deuxième fois, c'était dans une ferme de la province du Gansu. Ça, c'était dans le Tianxi. Et ça, maintenant, c'est dans le Gansu, où j'étais accueilli par une ferme, disons, qui élevait des moutons. Et ils me présentent tout fiers à leur fille, et en me disant, elle vaut 100 moutons. Alors, très bien, je me dis, ça y est, ça recommence. Et ça recommence. Alors là, j'ai pas attendu, j'ai sauté sur un vélo. Et je m'en suis sorti de justesse parce qu'il y avait une gare pas très loin et coup de chance, un train qui était arrêté. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, mais j'ai eu un tas d'autres histoires. Et pour moi, la Chine a été une deuxième patrie, quoi, un endroit où je circulais avec joie. À la fin, dans les dernières années de mon dernier séjour, qui a été de 5 ans d'affilée, je fermais les yeux et puis je mettais le doigt sur la carte et j'allais là où j'avais marqué, où j'avais appuyé mon doigt. Et alors le jeu consistait à d'abord faire le train, puis la voiture, puis le car, puis l'autostop, puis du vélo, puis, et bien souvent, je terminais à pied. Voilà. L'idée, c'était d'y arriver, quoi. Alors, autant vous dire que pour moi, la Chine est une deuxième patrie, mais en même temps, ça n'a jamais été très facile non plus, parce que, faut dire les choses, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas pour une raison simple, c'est qu'ils trouvent que j'en sais trop. Et il me... Eh bien voilà, à l'heure actuelle, je n'ai pas le droit d'aller en Chine normalement, sauf si j'obtiens, et je l'obtiens, si j'obtiens un laissez-passer signé par par l'Élysée. Je connaissais bien l'actuel dirigeant. Enfin, j'ai connu à peu près tous les dirigeants. Celui avec qui je ne me suis pas bien entendu, parce que je conseille un peu la politique chinoise, celui, je le dis franchement, avec qui je ne me suis pas très bien entendu, c'est Nicolas Sarkozy, que je trouvais, qui une fois, parce que j'avais critiqué la façon dont un de ses voyages en Chine avait été organisé, il s'est levé, il m'a dit la porte, comme ça. Alors, ben voilà, je ne suis plus revenu. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux grâce à l'Élysée, mais en même temps, j'ai quand même pas, si je demande comme ça un visa, je ne l'ai pas. Je l'ai si... Alors ce qui est drôle, c'est que moi qui ne suis pas, comment dire, bien vu par les autorités chinoises, eh bien chaque fois qu'il y a un Chinois important qui vient, le président de la République actuelle, que ça passionne pas les Chinois, alors il m'appelle comme ça, puis hop, il me colle le président, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, que je suis chargé d'amuser. Et moi je commence à en avoir un peu assez. Mais j'ai eu la dernière fois, et ensuite je vais revenir à des choses plus sérieuses, mais la dernière fois, j'ai réussi à m'en débarrasser. Le président est venu, Xi Jinping, qui est un type tout à fait remarquable, mais qui est à ce point remarquable qu'il ne juge pas, et il a bien raison, utile de me dire des choses essentielles. Bon. Et je vois que sa femme, qui est une cantatrice très célèbre en Chine, belle comme le ciel, hein, vraiment, vraiment magnifique, hein, et avec des tenues incroyables, et je voyais qu'elle parlait beaucoup, beaucoup dans la table des femmes. Alors j'y vais, et d'un ton dégagé, j'écoute. Elle était en train de faire une véritable conférence sur la mode en Italie. Et la mode, alors je suis arrivé à la fin de la première partie, qui était la mode napolitaine. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une mode napolitaine pour les femmes. Bon, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, ça a été la mode romaine. Puis ça a été la mode milanaise, et à tout ça bien organisé, etc., etc. Intelligemment dit, elle, si vous voulez, c'est vraiment une personne qui est à l'aise dans la vie et qui et elle a de quoi être à l'aise véritablement. Hein. Voilà. Alors donc, la Chine a été pour moi une aventure personnelle et j'ai eu grand plaisir, comment dire, à la faire connaître parce que moi-même je l'ai connue et ça a été toujours passionnant. Alors, mon exposé va être divisé en quatre parties. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai été, quand même, je me suis bien occupé de la France. Parce que j'ai été numéro 2 de Sciences Po pendant 7 ou 8 ans, et que j'ai été notamment l'inventeur de l'engagement de Sciences Po dans le monde, enfin de l'ouverture de Sciences Po sur les autres pays, et que c'est aussi véritablement ma grande. Enfin, quelque chose qui, voilà, dont je garde grand souvenir. Alors, premièrement, je vous parlerai de la géographie de la Chine. Deuxièmement, je vous parlerai du passé ou des passés chinois. Troisièmement, je vous parlerai du présent ou des présents chinois. Et quatrièmement, je vous parlerai du futur. Et c'est pour autant qu'on puisse le prévoir ou en parler. Alors, pourquoi la géographie? Parce que la géographie chinoise est quelque chose qui est assez bizarre. La Chine est énorme, mais elle est coupée en une vingtaine de morceaux, disons, en une vingtaine de provinces. Il y a une trentaine de provinces, mais il y a une vingtaine d'espaces, disons. Et autant certaines, il y a quelques provinces qui sont dans des plaines, autant les autres sont très souvent elles sont très souvent entourées de montagnes, elles sont comme des ensembles qui ont une identité. Est-ce que certains d'entre vous sont allés en Chine? Un, deux, ils peuvent lever la main? Ah, il y a quand même une bonne minorité là, oui, oui. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes allé dans des provinces comme le Hunan, le Jiangxi, il y a au centre quelques vallées, une plaine, et puis sur les côtés, il y a une ceinture, en quelque sorte, de montagnes. Eh bien, la plupart des provinces, disons, du centre et du sud, sont comme ça, organisées comme ça. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que ces provinces ont une identité clairement repérable. Mais c'est aussi, ça veut aussi dire que l'identité de ces provinces est tellement, tellement forte que les gens de cette province se préfèrent à ceux de la province d'à côté. Et moi, il m'est arrivé, parce que je circulais en vélo et j'étais donc très à l'aise, il m'est arrivé de me trouver comme ça en plein milieu entre une bagarre entre la province du Fujian et la province du Guangdong, c'est-à-dire de Canton. Toutes les deux provinces faisaient les mêmes confitures, toujours les confitures, là, les fameuses confitures, et ils se disputaient l'accès à un port qui n'était pas très loin, était à peu près à la, entre les deux provinces, et ils se battaient à coups de hache pour ça, dans certains cas. C'était très très dur. Et j'ai fiché le camp parce que là, ça devenait vraiment chaud, quoi. Donc, il y a une identité très très forte. C'est des dialectes, ce sont des coutumes. Et il m'arrive souvent dans les trains qu'on me frappe sur l'épaule quand on arrive en gare et quelqu'un me dit mais où est-ce qu'on arrive là? Je dis ben écoutez, ça a été annoncé, vous n'avez pas entendu. Ah, mais mon pauvre ami, moi je parle la langue d'ici, je parle pas la langue chinoise. Et de fait, le chinois est parlé, le chinois qu'on vous enseigne est parlé par à peu près la moitié de la population, théoriquement, parce que dans les faits, ils parlent avec un accent qui est véritablement un accent XYZ. Hein. C'est très très complexe le parler en Chine. Et puis ensuite, la langue est extraordinairement difficile. Il faudrait... Je devrais normalement connaître 7-8 000 caractères, là. Quand on a 7-8 000 caractères, c'est bon. Et je crois que j'en ai 2 000 environ, 2-3 000. Parce que chaque jour, d'un jour au lendemain, j'en oublie, là, c'était inévitable. Donc je rapprends, et ça veut dire que je suis à peu près stable à 2 000 caractères, 2-3 000 caractères, depuis 40 ans, quoi, à peu près, vous voyez. Donc c'est très très compliqué pour nous, mais c'est compliqué pour beaucoup de Chinois aussi. Et la vérité, c'est que les Chinois, vous l'avez sans doute remarqué quand vous avez été là-bas, ou quand vous avez fait des études sur la Chine, les Chinois, comment dire, ce sont des gens qui ont des connaissances très variables, et donc qui s'expriment dans des langues également plus ou moins riches. Donc il y en a qui vous parlent très très simplement, alors là on peut faire le malin, etc. Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus cultivés, disons, et là, alors là, tout d'un coup, au bout d'une ou deux minutes, j'existe plus. Il faut dire la vérité. La langue du quotidien du peuple, ça je peux la parler parce qu'elle est faite pour être lue par le maximum de gens. Mais la langue du quotidien du peuple, c'est vraiment une langue trop simple. Alors, les écrivains également varient beaucoup, suivant un petit peu comme en français. Mais quand même, en chinois, c'est infiniment plus complexe. Et au total, on dit qu'il y a une cinquantaine de milliers de caractères. Moi, je ne crois pas. Mais en tout cas, il y en a bien 20 000... Alors, apprendre le chinois, c'est se mettre à apprendre en permanence. Alors, c'est une leçon en même temps, parce que, je sais pas, madame qui s'occupe de ma conférence me dit, il paraît que vous êtes une sommité, c'est très aimable, mais je suis la sommité qui marche sur une canne, vous voyez, parce que vraiment, et je connais bien des Français qui parlent mieux que moi. Ils sont vraiment, vraiment... parce que il faut peut-être avoir la mémoire, disons, particulièrement développée. La mienne n'est que normalement développée. Je sais une dizaine de langues, mais le chinois, qui est la langue la plus importante pour moi, je ne la connais pas assez, quoi, voilà. Donc c'est chaque fois que je lis un livre, c'est une aventure différente. Parce qu'il y a des livres qui sont simples. Alors là, je me dis, t'es un type formidable. Et puis le coup d'après, c'est un autre livre. Et là, c'est un autre langage. Et je suis en perdition très vite. Donc c'est une histoire, chaque fois, de lire. Et alors, je ne parle pas d'écrire. Alors, immensité de la Chine, diversité de la Chine, et aussi... isolement de la Chine par rapport à ses voisins. Bien sûr, la Chine est le pays majeur de l'Extrême-Orient. C'est le pays qui a longtemps gouverné un petit peu tout ce petit monde. Les Vietnamiens, par exemple, doivent beaucoup à la culture chinoise. En Birmanie, l'influence chinoise est considérable. En Corée du Nord, en Corée du Sud, ce sont des pays qui ne sont pas du tout négligeables. Vous savez que le Vietnam est un pays extraordinaire dans la guerre, par exemple. Les Vietnamiens ont fait des guerres à la France et à la Chine ensuite même. Il y a eu en 1979-1980 une petite guerre de frontière entre le Vietnam et la Chine. Les hôpitaux chinois de Chine du Sud sont encore remplis de gens que la dureté des combats a rendu fous, littéralement fous, quoi. Ça, c'est la guerre pratiquée par les Vietnamiens. En Corée du Nord, l'influence chinoise est également considérable, et en Corée du Sud aussi. Et au Japon, vous sentez un peu des effluves. J'ai appris le japonais, j'ai vécu au Japon 2 ans, et c'est un pays tout à fait extraordinaire, hein. C'est un pays beaucoup plus simple que la Chine. Le Japon, j'en ai appris la langue en 1 an. Et le caractère, les Japonais, c'est quand même des gens assez pratiques. Vous savez qu'ils ont une écriture où il y a trois dessins en quelque sorte. Il y a quelques caractères chinois au milieu d'une phrase. Alors le caractère, par exemple, je vais partir ce soir à 9h. Alors les Japonais qui sont des gens pratiques écriraient 9h en chinois, en caractère chinois, parce que c'est quand même important et qu'il faut être à l'heure. Et puis tout le reste, c'est dans une langue, parlée en quelque sorte. Et puis il y a aussi on a le droit d'utiliser les dessins, les caractères occidentaux. Donc vous voyez, et même il y a aussi, tenez-vous bien, ça c'est bien japonais, ils ont un culot d'enfer. Et il y a un système spécialement pour les femmes, parce que les femmes sont considérées comme étant un petit peu limitées, si je puis dire. Et alors donc, ils sont comme ça, et vous le disent gentiment, quoi. Ça, c'est les Japonais. C'est les Japonais, quoi. Oui. Alors, maintenant, tout le monde l'utilise un petit peu, ce qui fait que c'est pas 3, mais 4 écritures, vous voyez. Mais au total, le japonais est beaucoup plus simple que le chinois. Le chinois, c'est la langue la plus dure à écrire et à parler. Alors, par rapport à ses voisins, la Chine a toujours eu des difficultés. Elle a toujours eu des difficultés parce que, d'abord, les Chinois ne sont pas très... Enfin, comment dire, ils sont supérieurs sur le plan de la culture, supérieurs par le poids, en quelque sorte, et puis évidemment par la démographie, mais pas toujours très très modeste, disons, et n'hésitent pas à assurer leur domination quand c'est nécessaire, hein. Donc ils sont à la fois admirés immensément, et il y a de quoi, et en même temps souvent détestés, disons, ou pas très aimés, hein. Donc voilà un peu la géographie. C'est un pays immense, mais pas simple. C'est un pays très respecté, mais en même temps pas aimé tant que ça. Et donc, c'est le pays le plus important de l'Extrême-Orient, mais c'est un pays qui n'est pas forcément aimé dans le voisinage. Au fond, il est comparable avec l'Inde, qui est également un immense État et dominant, disons, et qui en même temps n'est pas toujours si bien vu que ça, hein. Alors, maintenant le passé. La Chine est d'une ancienneté terrible, énorme. Elle a été très... On cite des dynasties très anciennes, mais disons à partir de moins 500, la Chine est civilisée déjà. Et dans l'histoire, et dans les années 2000 à 2000, etc., des deux premiers millénaires, la Chine a été véritablement le pays où il s'est passé le plus de choses, souvent aussi la Chine est brillante, mais pas toujours. Elle est brillante 2 siècles, et puis ensuite, pendant 2 siècles, elle a été capable de se tromper lourdement. Les Chinois ne sont pas des guerriers extraordinaires. Ils ne sont pas toujours très bons. Ils ont plus d'écrivains, plus de partisans de l'ordre, du droit, que de la puissance, disons. Tous les empires chinois, même quand ils se portaient bien, tous les empires chinois étaient en problème avec leur propre peuple. Ces provinces dont je vous parlais, qui sont loin, etc., imaginez un petit peu que du temps de l'Empire, même s'il y avait des canaux qui ont été créés, etc., pour faire circuler à la fois le grain et en même temps les ordres, eh bien, c'est, malgré ces canaux, malgré les routes qui ont été tracées, malgré les protections contre les brigands, eh bien, la Chine n'a pas été toujours bien gérée. Et la direction de la Chine, les empereurs, n'étaient pas toujours si obéis que cela. Et même les cours impériales étaient également ressemblaient un petit peu à ce que sont toutes les cours, c'est-à-dire avec beaucoup d'histoire, beaucoup de disputes, beaucoup de vanité chez les uns et de force, de brutalité chez les autres. Finalement, une bonne partie de l'histoire impériale se déroulait à la cour de l'empereur. Dans le reste du pays, ben ma foi, ça marchait plus ou moins bien, voyez. Et ça ne marchait vraiment bien que très très près de Pékin. Pour le reste, il y avait des dirigeants qui étaient nommés à la tête des provinces, et ma foi, ils étaient plus ou moins bien obéis eux-mêmes. Donc ça donne une histoire qui est remplie de rebondissements, de rebonds, remplie d'histoires au pluriel, mais rarement la Chine a été totalement n'a obéi son empereur. Et puis il y a eu bien souvent des révoltes et puis l'arrivée des barbares, hein. En permanence, la Chine a été menacée par des flux, si je puis dire, venus de Sibérie. Et ces flux de Sibérie, c'était le devoir de la Grande Muraille de les interpréter. Mais c'est un petit peu ce qu'il y a que j'aime beaucoup pour ça. J'aime beaucoup la Chine pour ça. Elle est souvent, un petit peu. Les Chinois aiment beaucoup les symboles, mais c'est pas toujours. Ils sont pas toujours bien concrets. La Grande Muraille, elle était pas terrible, terrible. Il y a des endroits où elle était régulièrement détournée ou bien on passait par dessus, etc., etc. Je dirais que la Grande Muraille, c'était surtout un symbole. Ça veut dire, attention, à partir de là, on ne sera pas content, quoi. Voilà. C'est ça que cela voulait dire. Mais alors, ce qui est quand même très émouvant, peut-être l'avez-vous remarqué quand vous avez, ceux d'entre vous qui ont visité la Chine, c'est que, en fait, avant la Grande Muraille, il y avait déjà, au même endroit à peu près, des levées de terre. Il y a eu en fait toute une série de murailles, si je puis dire. C'est assez émouvant de voir un petit peu évoluer en quelque sorte la Grande Muraille. La Grande Muraille un petit peu comme ça, un petit peu à la va comme je te pousse. Et puis il y a eu finalement la Grande Muraille, mais aucune de ces murailles n'a totalement empêché les barbares d'arriver. Et beaucoup de ces barbares, il y a eu même des cas où des barbares ont fondé des nouvelles dynasties, et qui étaient d'abord un petit peu brutales, et puis ensuite, très vite, adoraient les coutumes chinoises et s'y pliaient. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'ancienneté. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les Chinois ont la passion de l'unité, ils ont la passion de leur civilisation, et ils ont la passion d'en faire une civilisation une. Et de fait, ils ont une langue écrite, et ils ont théoriquement une langue orale. Mais, dans les faits, en général, seule l'aristocratie parlait bien, et en plus écrivait bien le chinois, et les populations parlaient surtout leur sabir, ou bien croyaient parler chinois tout en parlant, avec un accent ou avec des spécifications. Donc voilà un petit peu, le passé, c'est pas seulement l'ancienneté, mais c'est aussi les divergences. Il y a une histoire interne de la Chine qu'on n'en finit pas de réciter, qui est tout à fait extraordinaire. Et il y a tellement d'événements que on aurait envie de consacrer toute sa vie à cette histoire-là, et même on n'y parviendrait pas. Et moi, ça me désespère chaque fois que je vais en Chine et que j'entends des colloques sur des problèmes de la Chine ancienne, parce que véritablement, c'est d'une complexité à mourir. Alors, ce qui caractérise aussi le passé, c'est la prétention qui qualifie un peu le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas seulement la force, le pouvoir, c'est soi-disant la supériorité. C'est soi-disant l'ancienneté de la culture et aussi la supériorité des vêtements, la supériorité de celui qui commande doit être non seulement une supériorité de force, mais une supériorité de beauté et d'intelligence. Quand on pense à ce qu'étaient les rois de France au 7e, 8e siècle, et qu'on compare avec la dynastie superbe qu'il y avait en Chine à la même époque, la puissance, enfin, la supériorité est évidente du côté de la Chine. Alors, caractériser également cette histoire, c'est la catastrophe qui est survenue à partir du 19e siècle. Et là, c'est là que l'histoire chinoise s'est, dans un sens, arrêtée. Parce que, tout d'un coup, la dynastie a perdu pied. Au début du 20e siècle, elle a disparu. Le dernier empereur a terminé comme jardinier de sa famille, comme jardinier du palais impérial. Et à partir de ce moment-là, la Chine est entrée dans une autre histoire. Une histoire d'abord de guerre, de guérilla, et une histoire maintenant où c'est l'économie qui compte. Traditionnellement, c'était la culture. Puis, ça a été avec Mao Tse-tung, l'idéologie, et maintenant ce qui compte c'est l'argent et la puissance. Et on peut dire que les dirigeants chinois sont certainement de ce point de vue-là les meilleurs depuis peut-être le 17e siècle ou le 18e siècle, disons. Maintenant, ils ont à leur tête, avec M. Xi Jinping, quelqu'un de qualité. J'y reviendrai tout à l'heure. Parce que Xi Jinping est quelqu'un de tout à fait brillant. Hein. Ce n'est pas de la rigolade. Hein. Alors, maintenant, le 19e et le 20e siècle ont été des tragédies, véritablement. Des tragédies effroyables. Et il ne faut jamais perdre ce savoir quand on va en Chine et quand on réfléchit à propos de la Chine. Ils ont été dans un ils ont été plongés dans un tel désordre, dans un tel horreur, dans un tel malheur, que, eh bien, ils n'iront pas n'importe où, n'importe comment. Et ça se comprend. Ils sont d'abord soucieux de... d'être réaliste, d'être bon gouvernant, de nourrir leur population, parce que quand même, ils ont connu, et encore très récemment, des horreurs. Récemment, en effet, il y a eu, dans les années 1958-1962, ce qu'on appelle le grand bond en avant, et la Chine a perdu environ 30 à 35 millions d'habitants, je veux dire 35 millions de morts de faim, ou à cause de la famine. Donc, quand maintenant j'entends des petits journaleux ou des jeunes dire « Ah oui, ils devraient faire autrement, etc. etc. » Bon, bref, les dirigeants chinois, eux, ils savent, depuis cette histoire-là, ils savent le prix des erreurs. Le prix des erreurs, dans un pays comme la Chine, c'est terrible. Ça a été terrible. Et c'est pourquoi, on peut critiquer, on peut dire du mal, et ils sont persuadés que je pense du mal d'eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas, mais moi, je pense d'abord qu'ils ont tellement, tellement souffert qu'ils ne sont pas prêts à changer de système très facilement. Que ce changement soit d'installer la démocratie ou que ce changement soit de changer de mode de développement. Alors, maintenant donc le présent. L'histoire de la Chine dans les 50 ou 60 dernières années a été une histoire terrible d'abord, et maintenant c'est une histoire bien meilleure. Cette histoire terrible a été celle où Mao Tse-tung dirigeait le pays. La Chine a été conquise par Mao et le Parti communiste chinois en 1949. Et de 1949 à 1976-78, le système politique a été un système extraordinairement dur. Je peux le dire puisque j'ai écrit un livre entier, de gros livre de 600-700 pages, sur le goulag chinois. C'est effroyable. Le goulag chinois avait auparavant une vingtaine... il a eu jusqu'à 15 millions de personnes, de détenus. Maintenant, ça serait plutôt 2-3 millions, quelque chose comme ça. C'est moins dur, mais ça reste, disons, dur. Par ailleurs, les campagnes de rectification, le contrôle de la population, tout cela faisait de cette période une période très sévère, disons, d'autant plus sévère que la nourriture était comptée et que l'économie chinoise n'avançait que très lentement. Mao a été un extraordinaire dirigeant, probablement l'un des deux ou trois les plus intelligents, plus géniaux du XXe siècle, mais il a été moins bon à la direction des affaires que pour conquérir le pouvoir. Pour vous dire à quel point il était brillant, c'était un stratège extraordinaire. Mao, au milieu des années 30, lorsqu'il était dans la guérilla, qu'il conduisait la guérilla, Mao s'est permis de comprendre à la fois, un, que le Japon perdrait la guerre dans l'Extrême-Orient. Deux, qu'ensuite, ça serait la Russie qui serait forte. Trois, que finalement, les Américains seraient beaucoup plus malins, beaucoup plus forts que les Russes. Et faire bonne mesure, il a envoyé quelqu'un acheter un dictionnaire chinois-anglais, parce qu'il avait déjà pensé que les Américains seraient les patrons du monde. Là, en revanche, comme il était doué pour la stratégie, mais il n'était pas doué pour les langues, et il n'a jamais réussi à dire plus d'un mot en anglais. Mais il avait compris, en tout cas, et c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Néanmoins, il a laissé la Chine, quand il est mort en 1976, il a laissé la Chine dans un état extrêmement pauvre. Je me rappelle, j'ai fait mon premier voyage en Chine en 1973, et je me rappelle avoir vu courir dans les rizières des petites paysannes vraiment maigres. J'ai vu aussi les gens dormaient sur les trottoirs. Enfin, c'était vraiment très, très, très, très, très dur. Et il y avait aussi, en même temps, un système qui était très, très violent. Hein. Moi, je me rappelle que j'étais logé dans un hôtel et on me laissait à 5 heures du soir. Et après 5 heures du soir, je ne pouvais pas sortir et il fallait que je n'avais pas, il n'y avait pas de télévision. Enfin voilà, c'était comme ça. C'était comme ça la vie là-bas. Les gens faisaient semblant d'être enthousiastes et je me rappelle une fois que un guide nous quitte, un guide s'occupait de nous et tenait des discours enfiévrés et puis il me disait c'est pourri à Hong Kong, c'est pourri, etc. Puis un beau jour, je vivais à Hong Kong à l'époque, j'étais conseiller culturel, et qui je vois dans la rue, je vois mon guide, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben écoutez, il me dit vous faites semblant de ne pas comprendre, je suis arrivé à la nage, quoi, voilà. Et c'était ça, les gens, il y a eu des en 1962, puis à d'autres moments, des ruées véritablement vers Hong Kong, et je me rappelle le train qui venait de du continent, qui arrivait à midi 8, de ce train descendaient ceux qui avaient réussi à avoir des visas, et je me rappelle on voyait sortir du train des pianistes aux doigts cassés, des peintres qui ne voyaient rien, qui ne voyaient plus. Enfin, c'était effroyable. C'était véritablement effroyable. Bien, ça a changé. Et c'est ça qu'il faut dire. Le présent, maintenant, est dicté par le changement du mode de développement économique, ouverture sur l'étranger. Et les Américains et les Européens ont bien fait d'accepter, de jouer le jeu. Ils se sont laissés rouler dans la farine par les économistes chinois, qui évidemment, les accords économiques n'ont pas été toujours respectés par la Chine, même généralement non, puisque par exemple, il a toujours été beaucoup plus difficile aux étrangers d'arriver dans le marché chinois, alors qu'il était facile pour les Chinois d'arriver dans le marché étranger. Mais on a bien fait, et je pense que il fallait se laisser faire, parce que de cette économie est sorti un avantage pour les Chinois d'abord, oui, mais aussi pour les étrangers qui finalement ont pu, regardez maintenant, ils ont installé là-bas, on vend des voitures, on vend toute une série de choses, et finalement c'était avancé, c'était une bonne chose pour la Chine et pour le monde. Alors cette nouvelle économie a également engendré une société partiellement nouvelle, et cette nouvelle société c'est une société où l'argent compte et où, comment dire, de plus en plus de gens ont les moyens de prendre du loisir, d'aller à l'étranger. Je crois que l'an dernier, c'est environ 2 millions de Chinois qui sont allés, 2 ou 3 millions, je ne sais plus exactement, qui sont allés à l'étranger. Moi, je les écoute discuter dans le train. Ça nous ferait beaucoup de bien de traduire un peu tout ce qu'ils disent, parce qu'ils sont assez astucieux, ils comprennent bien les erreurs de notre système, hein. Les discussions qu'il y a dans les familles, je les trouve en général très très très très intéressantes et très bienvenues, hein. En tout cas, cette nouvelle économie s'est engendrée en bonne partie une nouvelle société. Il y a de moins en moins de pauvres, il y en a encore. Et d'une certaine façon, une certaine liberté s'est développée. Les gens qui ont de l'argent ont la liberté. Les gens ensuite moyennement, riches également sont à peu près comme nous. C'est plus difficile pour les pauvres, il y en a encore, mais chaque année, la propagande chinoise peut dire qu'il y a eu tant. Je crois que l'an dernier, il y aurait eu 15 millions, 17 ou 18 millions de Chinois qui seraient sortis de la pauvreté. Et là, je crois que c'est la propagande qui le fait savoir, mais je crois que c'est probablement exact. Donc, il y a une nouvelle économie, il y a une nouvelle société, et d'une certaine façon, il y a une nouvelle politique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bah, c'est, le pouvoir est certes encore complètement... dominé par le Parti communiste chinois, mais les dirigeants ne peuvent plus faire n'importe quoi. Et par exemple, le Xi Jinping explique les choses, dit les choses. Donc, d'une certaine façon, on est encore dans un système dictatorial. C'est vrai, mais en même temps, cette dictature est beaucoup moins dure qu'auparavant. Et il faut dire aussi que j'aime bien Xi Jinping, et j'aime encore mieux son père. Son père était un grand guerrier, Xi Zhongxun. C'était un grand Chinois. Et pendant le grand bond en avant, je vous ai dit, ce moment où il y avait eu 30 millions de morts, c'est quelqu'un qui avait de la morale. Et c'est pendant le grand bond en avant, c'est probablement le dirigeant qui a le plus travaillé pour aider la population, pour limiter la famine, etc., etc. C'est une famille qui est assez respectable, disons. Ce sont des gens... Alors évidemment, le pouvoir est confisqué, mais il est moins tyrannique qu'il l'était dans le temps. Alors, dernière chose. Maintenant, le futur de la Chine. Point 4, le futur de la Chine. Le futur de la Chine, moi je crois que ça dépend vraiment, vraiment immensément de l'économie. La Chine est immensément, lourde en population. Elle a, personne ne sait exactement, les statistiques sont probablement en dessous de la vérité, parce qu'il y a, de la population qui a été dans le temps, qui est née alors que les parents n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants. Et donc il y a des gens qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas d'identité, voilà, c'est comme ça. La statistique également n'atteint pas tous les endroits. Il y a des endroits très très perdus, disons, où on fait les choses en gros, quoi. Hein. Bon, mais dans l'ensemble, les dirigeants chinois disposent d'un moyen beaucoup plus solide qu'avant de faire de la politique. Et le patron du gouvernement chinois est par exemple un remarquable économiste. Et Xi Jinping est quelqu'un de très très très brillant, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il a de l'autorité, mais comment voulez-vous diriger un pays comme ça, avec une trentaine de provinces où chacun veut faire ce qu'il veut, chaque ministère... Vous savez, les Chinois ne sont pas plus... ils sont pas plus disciplinés que nous. Ce serait vraiment l'inverse, plutôt. Hein. Et moi, je trouve que l'un dans l'autre, le régime... finalement, tient pas mal sa population et que l'un dans l'autre, c'est un pays qui peut pas mal gérer. Alors le problème, c'est est-ce qu'ils pourront conserver jusqu'à temps, encore dans l'avenir, et jusqu'à quand, une croissance de l'ordre de 6-7% comme ils ont maintenant. Alors évidemment, hein, les chiffres là-bas sont romanesques. Hein, ils ont une croissance entre 5 et 8, quoi. Voilà, plutôt 5, hein. Mais c'est pas mal, quand même. Alors, comment tout ça peut évoluer? C'est très difficile à dire, parce que Les Chinois et leurs dirigeants ne sont pas très très disciplinés. Il y a une partie de l'économie chinoise est actuellement placée aux États-Unis. S'il se passe quelque chose aux États-Unis, qu'adviendra-t-il de tous ces investissements? Et aussi, ils ont de l'argent à Taïwan, ils ont de l'argent à Hong Kong. Comment tout ça va évoluer? Les économistes chinois sont excellents, mais les chefs de société chinois sont souvent un petit peu romanesques, hein, et puis jouent un petit peu très vite, un petit peu comme dans un jeu, quoi. Donc ils ne sont pas à l'abri d'un crack, ils ne sont pas à l'abri d'une grave oscillation, disons. Et cela déclencherait une bourrasque terrible. Si ce qui fait tenir ce pays, ce qui le fait survivre en ordre à peu près, hein, c'est tout simplement la prospérité. C'est la prospérité économique et financière. À moins de 3%, 3, 2%, ce qui pour nous est un bon chiffre, je ne garantis rien, hein, véritablement, parce que ils iraient tous mettre leur argent aux États-Unis, et ensuite, que se passerait-il de cet argent? Et puis, ils ont de l'argent également dans d'autres pays qui ne sont pas très solides. Bref, la façon dont les Chinois investissent, leurs finances internationales, disons, tout ça sont très problématiques. Alors, si jamais une grave crise économique se produisait, on ne peut pas éviter de penser que le système intérieur chinois serait en danger, comme il l'était avant, comme il l'était il y a un siècle, où quand il y avait une crise à Shanghai, eh bien à Nankin, eh bien les relations entre le centre politique et les différentes provinces déclinaient. Enfin, ce déclin, disons, de la discipline, on peut le craindre, et pas seulement le déclin, mais vraiment une catastrophe. Alors cette catastrophe, comment se répartirait-elle? On voit un petit peu maintenant comment la Chine fait voir les zones de force, les zones moyennes et les zones de faiblesse. Les zones de force, là je crois qu'il sera difficile que Shanghai tombe, que le Fujian tombe, que Canton tombe. Ça, c'est la Chine utile, c'est la Chine bien organisée. Les autres provinces se divisent en deux. Il y a les provinces très fragiles, qui dépendent d'une ou deux productions. Par exemple, il y a encore des provinces charbonnières, alors que le charbon est théoriquement en voie d'être interdit par M. Xi Jinping pour des raisons d'écologie. Il y a donc toute une Chine qui est extraordinairement fragile, et c'est par exemple la Chine du Nord-Est qui avait été industrialisée par les Russes dans les années 50, et cette Chine, et il y a la Chine charbonnière du Nord. Et puis il y a alors une Chine qui n'a jamais été, qui ne sera jamais très bonne. C'est la Chine qui est le long du désert. Quant au Tibet et au Xinjiang, qui sont les deux provinces les plus vers l'Occident, eh bien, ça ne compte pas, ça. Alors, vous me direz, et j'arrive dans ma conclusion, pour vous laisser une demi-heure dans la discussion. Au total, la Chine a fait d'abord un surplace, puis d'un progrès remarquable. Le pari est à peu près que pour 5 ans, 10 ans, la Chine va continuer à progresser. Ensuite, il ne faut pas, on ne peut pas éliminer l'hypothèse d'un coup de tabac. Ils ont le bon facteur, c'est que les dirigeants chinois sont maintenant bien meilleurs qu'avant. Je pense au Premier ministre, là, qui est un admirable spécialiste de la bourse. Et je pense aussi au dirigeant qui est M. Xi Jinping. Je pense aussi à l'amélioration générale des... au niveau général des dirigeants des provinces, qui sont bien meilleurs qu'avant. Il y a eu quand même un grand, grand progrès qui peut permettre d'imaginer que le coup de tabac, à mon avis, inévitable d'ici 5-10 ans, il y aura un coup de tabac. Peut-être, mais il n'est pas certain qu'il sera dramatique, il n'est pas certain qu'il sera tragique. La Chine est maintenant en train d'entrer très vite dans le peloton des pays modernes, et c'est vraiment un grand, grand avantage. Alors, pour terminer, je voudrais dire deux choses. D'abord, je pense qu'il faut... Il faut faire attention à l'importance de la Chine, parce que je suis mécontent, si je puis dire, de la façon dont la Chine a été réfléchie en France depuis 40 ans. Je me rappelle quand je faisais mes premières conférences ici, j'ai fait des conférences quand j'avais 30 ans à côté d'ici, et je me rappelle que c'était passionnant. Très passionné, parce qu'il y avait tous les maoïstes, et il y avait tous les gens, et les maoïstes et les chrétiens. Et les maoïstes plus les chrétiens, ça faisait des gens qui pensaient le plus grand bien de la Chine, et qui croyaient la propagande chinoise, etc., etc. Or, la Chine crevait de faim, hein, véritablement. Bon, et je me rappelle qu'une fois, j'ai dû sortir protégé, hein, pas ici, c'était à Paris, c'était vraiment pas facile. Et donc, il y avait de la passion. Et en fait, nous autres Français, on est passionnés par la... Alors, on est passionnés par la problématique, on est passionnés par les choses piquantes, par les grandes Mao Tse-tung, voilà quelqu'un. Hein. L'ambition idéologique, ça plaît en France. Oui, je suis d'accord, si, à condition que ce soit réalisé, véritablement. Or, ça ne l'a pas été. Et... je crois que maintenant, on connaît mieux la Chine, mais du coup, elle intéresse beaucoup moins. Parce que les Français, quand même, ce qui les intéresse, par exemple, c'est les excités du Moyen-Orient, etc. Alors moi, je trouve que l'aventure de la Chine est beaucoup plus intéressante, parce qu'ils ont développé à toute allure, et avec un système capitaliste, une économie qui, finalement... devient chaque année plus correctement, presque juste, je veux dire. Enfin, je sais bien que le communisme n'est pas toujours une bonne mesure humaine, mais en Chine, ça va mieux chaque année. Bon, c'est comme ça depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est formidable, et ça devrait attirer beaucoup plus l'attention, ce qui a été réussi, et ce qui pourrait bien se passer de bon ou de mauvais. Ça, c'est la première chose. Et puis alors, je voudrais terminer cette conférence par un appel au peuple, si je puis dire, ou par véritablement un coup de trompette, si je puis dire. Faites en sorte que vos enfants apprennent le chinois. Voilà. Il faut absolument apprendre le chinois. C'est la condition... Eux, ils apprennent notre langue, c'est bien, mais c'est encore mieux si nous apprenons la leur, parce qu'ensuite, nous pouvons aller là-bas, et aller là-bas, c'est, je trouve, très utile culturellement, très utile intellectuellement, et au lieu d'aller toujours sur la côte croate, je vous propose d'aller... peut-être dans la ferme qui a voulu me marier, ou bien dans les... Et alors, vous savez... En plus, ils vont probablement réussir à faire une sorte de nouvelle disposition de l'espace. Les Chinois sont très remarquablement astucieux et ils sont actuellement en train de recomposer l'espace comme il sera plus tard. Et ils prévoient de faire un tiers de donner un tiers de l'espace à, eh bien, au tourisme, au jeu, voilà, à la respiration. C'est une Chine. Auparavant, il ne s'occupait que de la, que de l'économie, et maintenant, il commence à s'occuper du reste. Donc, ils progressent, si vous voulez. Ils sont, en un mot commençant, ils sont intéressants, et je crois que ce serait intéressant pour vos enfants. En plus, les filles là-bas, alors, c'est impeccable, comment dire, sont respectées, etc. Donc, envoyez vos garçons, mais envoyez également vos filles là-bas, et qu'ils apprennent le chinois, et qu'ils apprennent à penser en intégrant la Chine dans leurs réflexions. Merci. Bien, je vous écoute. Vous ne nous avez pas parlé des relations de la Chine avec ses voisins. Je crois qu'il y a des conflits, de l'histoire. Oui, j'avais une heure. C'est simple. Tous les pays voisins sont solidement énervés par la Chine. Parce que les Chinois sont plus gros, plus forts, et pas toujours très modestes. Ils montrent aussi leurs muscles. Il y a notamment les Vietnamiens. Les Vietnamiens sont comme ça. Hein, et les Japonais. Alors, il faut quand même faire la différence entre... les causes, il y a des causes qui sont économiques. Mais je crois aussi que les dirigeants chinois ne sont pas toujours très, très attentifs... comment dire, aux autres, quoi. Ils sont un peu... Il y a des traditions, là, incontestablement. Il y a la tradition d'un pays qui était au centre du monde, le monde étant l'Asie, quoi. Voilà. Et ça ne plaît pas forcément aux Japonais, ça ne plaît pas forcément aux Vietnamiens. Ce sont les Vietnamiens qui sont les plus costauds, hein. Les Vietnamiens sont extraordinairement... c'est des gens qui savent se battre. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils font de mieux, les Vietnamiens. Les Chinois, eux, ont un sentiment très fort d'être les meilleurs, et c'est vrai, ils sont les meilleurs, parce qu'ils sont les plus forts dans la région, et ils ont fait également un progrès économique extraordinaire, hein, et mieux encore que les Vietnamiens qui l'ont fait plus tard. Y a les Japonais, c'est vrai, mais les Japonais, maintenant, se sont un petit peu endormis sur leur... sur leur laurier, hein. Et donc effectivement la Chine n'est pas toujours très très très bien vue dans sa région. Non, mais je voulais poser des questions à propos des intentions de la Chine vis-à-vis des territoires dont j'ai entendu dire qu'ils avaient l'intention de mettre la main sur des îles. Ils ont mis la main sur des rochers. Très franchement, en soi, c'est pas vraiment ça qui compte, parce que ces rochers, on peut pas en faire grand-chose, etc., etc. Ce qui compte, c'est l'intention, en quelque sorte. C'est qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ces rochers. Et là, effectivement, j'ai écrit des choses assez méchantes qui me valent de pas être, parce que effectivement, il y a dans l'état-major chinois des gens qui raisonnent en fonction d'une problématique, disons, un peu offensive. Et Taïwan. Alors Taïwan, ça c'est autre chose. Taïwan, je ne sais pas si vous êtes allé ou non. Non. Alors allez-y, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une petite île. C'est une vingtaine de millions d'habitants. Une petite île qui est une république très démocratique et où... quand il y a une fête dans une, je me suis trouvé lors d'une fête, lors d'une bourgade, dans une bourgade de peut-être 20 000 habitants, et on a vu tout d'un coup un hélicoptère et le Premier ministre est arrivé et tout le monde était. Vous êtes taïwanaise, mademoiselle? Non. Non, mais alors c'était tout à fait extraordinaire parce que Tout le monde défilait dans la rue. Le Premier ministre s'est mis à côté de tout le monde. Et on lui a dit, il y a un étranger. Alors il a dit, appelez-le-moi. Et j'ai défilé pendant toute une après-midi à côté du Premier ministre, à côté du Premier ministre de Taïwan. C'est quand même extraordinaire, quoi, vous voyez. Moi, j'ai jamais passé une après-midi avec un Premier ministre. Jamais, quoi, vous voyez. Pardon ? Ma question, c'était sur les visées de la Chine. J'y vais. Mais d'abord, je vous parle, si vous voulez, de ce qu'il y a d'intéressant. C'est une démocratie, et c'est une démocratie développée, disons. Alors maintenant, la Chine, mettez-vous à leur place. Si nous, la Corse, qu'est-ce qui se passerait si la Corse décidait de faire ce qu'elle veut ? Je ne sais pas. Là, très franchement, hein, je ne sais pas trop. Il faudrait consulter en tout cas la population de la Corse. Et ce n'est pas l'intention de la Chine de consulter la population de Taïwan. Donc je vous accorde ça, si vous voulez. D'un autre côté, c'est quand même quelque chose d'un petit peu spécial. Je crois évidemment que s'ils veulent réunifier leur pays, les Chinois devront lâcher un petit peu du lest et être un peu aimables. Voilà, je crois. Oui, je crois. Mais vous êtes allé à Taïwan ? Non. Alors allez-y, ça vaut la peine. Allez-y. Monsieur ? Oui, merci pour cet exposé. Mais quelles sont les relations avec ce qu'on appelait les Chinois de l'extérieur ? Alors à l'époque du Mao Zedong, il y avait quand même pas mal à Singapour, à Cholon, etc. Enfin, à Hong Kong, bien sûr. Ces Chinois de l'extérieur qui avaient des relations économiques. Oui, oui. Oui, il faut être honnête, les ambassades chinoises s'occupent de très près des communautés chinoises à l'étranger. De très, très près. Mais Taïwan également, l'ambassade de Taïwan, ou la représentation officieuse de Taïwan, se bagarre. Donc il y a une véritable bataille de la nuit, si je puis dire. Voilà. Et... cela dit, ça ne veut pas dire que tous les restaurateurs chinois ici sont sous les ordres de l'un ou de l'autre. Il y en a qui ne s'en occupent pas. Et d'autre part, il n'y a que très rarement... je me rappelle une fois, j'étais très informé là-dessus parce que je vivais au 13e arrondissement et on m'avait volé. Et donc j'étais furieux, j'étais allé à voir les policiers... Et puis je leur ai dit à maman, comme ça, furieux, disant, écoutez, si vous faites une enquête sur mon vol, moi, je vous explique comment travailler avec les Chinois ici. Et il y avait le commissaire de police, aussitôt, mais top là, vous aurez votre enquête, et ils ont piqué ma voleuse, mais nous, je vous invite à déjeuner une fois par mois pendant un an. Et j'ai discuté avec lui une fois par mois pendant un an. Alors c'était tout à fait extraordinaire à ce moment-là parce que, en fait, ils ont des relations, les Chinois du 13e, ils ont des relations avec l'ambassade, c'est pas le plus important. Ils ont des... évidemment, bon, on fait les grandes fêtes, etc., etc. Mais il y en a aussi qui sont plutôt du côté de Taïwan. Ce qui compte, c'est plutôt les arrangements... arrangements de la socialisation est immeuble par immeuble, et ils font leur loi eux-mêmes. Ils me disaient, c'est très simple, c'est l'endroit le plus calme que j'ai connu dans toute ma carrière. Ils s'occupent eux-mêmes de repousser les brigands qui sont venus du nord de Paris, et c'est eux qui font la police. Donc nous, on ramasse les gars au petit matin, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils disaient, et ils étaient tout à fait ravis, et ça allait très bien. Voilà. Mais il n'y a qu'un seul problème avec ces gens-là, c'est qu'ils ne connaissent pas la législation du travail. Voilà, c'est tout. Pour le reste, c'était pas un problème, pas tous des bons écoliers, tous, etc., etc., etc. Voilà. Monsieur. Oui, un jour à la télévision, vous avez dit dans sa relation avec la Chine, dans ses relations avec Qui a dit ça ? Vous. Où ? À la télévision un jour. Ah bon ? Je vous ai entendu dire Dans leur relation avec la Chine, les Français sont des grands niais. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous pouvez préciser ? Ah oui, ça tout à fait volontiers. Écoutez, Général de Gaulle a fait un geste extraordinaire. Mais les gaullistes ensuite, qui étaient, comme on sait bien, plutôt plus court, si je puis dire, moins brillant que le général de Gaulle, les gaullistes, eux, ont fait une politique qui était une politique de sympathie niaise à l'égard de la Chine. Et on s'est fait, du coup, prendre pour des imbéciles, évidemment. On a toute la France a financé toute une série de choses qu'elle n'avait aucun intérêt à faire, alors que les Chinois préféraient travailler avec les Allemands, qui eux ne donnaient rien, mais échangeaient toujours, voilà. Et c'était ça qu'il fallait faire. Donc disons, toutes les années 70 et 80 et 90, pour moi, ont été des années où j'étais très mal vu, parce que au Quai d'Orsay où je travaillais, au Parti Socialiste où j'ai travaillé, ou chez les centristes où j'ai également un peu travaillé, j'ai donné un peu partout, je disais, écoutez, si vous voulez faire des choses en Chine, faites des choses en coopération, faites des choses en échange. Ne faites pas, ne donnez pas. Et puis vous n'avez pas de raison, quand vous n'avez pas de raison de sympathiser avec la Chine, parce qu'elle n'est pas toujours très sympathique, on a nos propres principes. Enfin, quand il y a des partisans de la démocratie qui sont encabanés en Chine, les Chinois s'attendent à ce qu'on proteste. C'est normal. Chacun défend ce à quoi il croit. Bon, et moi, chaque fois que je faisais un article dans le journal ou un truc comme ça, aussitôt on me téléphonait du Quai d'Orsay pour me dire ferme-la, tais-toi, etc. Et les gaullistes du Quai d'Orsay trouvaient que finalement il fallait donner, parce que nous nos relations avec les Chinois c'est pas comme celles des autres, peut-être bien, mais j'aurais préféré que nous fussions en Chine comme les Allemands, par exemple, ont tout de suite pris l'habitude d'être, voilà, c'est-à-dire actif, c'est-à-dire intéressé, c'est-à-dire aimable, bien sûr. Mais moi, on me demandait figurez-vous qu'il y a encore 3 ans, il y avait des crédits français de développement économique. En Chine, ça va bien. Voilà un pays qui, maintenant, a tout l'argent du monde pour se développer et qui se développe. À quoi ça sert, bon sang de bois ? À quoi ça sert ? Alors je l'ai écrit, puis finalement je me suis fatigué, et voilà, quoi. Tout ça, c'est de la rigolade. Et le résultat, c'est que finalement, maintenant, on a des crédits culturels en baisse, on a des crédits pour favoriser les traductions, etc., etc., en baisse. On a tout fait à zéro, quoi. Enfin, de manière idiote. Voilà. Vraiment, je n'ai aucune sympathie pour ça. Et ça, il y a eu une sorte de gaullisme diplomatique. Et ils ont cru que c'était du gaullisme. Mais le général de Gaulle était beaucoup plus malin que ça. J'espère que je ne vous choque pas. Quel était le statut de Taïwan avant l'arrivée de Chiang Kai-shek ? Ah, avant l'arrivée de Chiang Kai-shek, ben il y avait un vice-roi envoyé par le continent, et c'était le bazar, quoi. Voilà. Et il y a eu, et d'autant que les Taïwanais n'étaient pas très bien traités par les Chinois venus du continent. Madame ? Tout d'abord, merci de faire l'honneur aux lycéens et lycéennes de votre présence, puisque je pense que sommité, c'est un faible mot. En tout cas, les gens qui travaillent sur la Chine, qui travaillent en Chine. Donc, en tout cas, merci de vous. Et vous êtes professeur ? Un peu des deux. À mes temps perdus, professeur, mais aussi, je travaille dans la banque pour une banque française. Ah, d'accord. Et sur la Chine. J'aurais une observation et une question. La première observation, c'est que je suis d'accord avec vous que encourager les jeunes Français à étudier le chinois est une bonne une bonne initiative. Par contre, le problème que l'on a, c'est que pour les jeunes Français qui désirent après travailler en Chine, c'est très très compliqué, même pour une entreprise française établie en Chine, parce qu'il y a des quotas qui sont imposés par les autorités chinoises. Et inversement, lorsque ces jeunes Français qui connaissent le chinois veulent travailler pour des entreprises chinoises en France, notamment une entreprise chinoise dans les télécoms Huawei qui est implantée ici à Issy-les-Moulineaux, c'est aussi très compliqué parce qu'il y a une réticence justement des pouvoirs publics français à accueillir des entreprises chinoises. Merci, effectivement, j'aurais dû en tenir compte. Donc il faut plutôt... Merci, merci madame. La question que j'aurais, c'est que vous décrivez un peu la Chine comme un... vous commentez tous les progrès que la Chine a fait en matière sociale, politique, etc. Mais vous n'avez pas trop mentionné aujourd'hui la Chine telle qu'elle est vue par les Chinois, avec des milliers de Chinois qui maintenant préfèrent aller vivre à Hong Kong plutôt que la Chine, parce qu'à cause de cette répression politique, des hommes d'affaires chinois qui se font kidnapper à Hong Kong, ou parfois même en Chine continentale, des gens qui disparaissent du jour au lendemain, c'est encore des faits. Et puis tout ce qui est aussi pollution, il y a énormément de Chinois ou même d'étrangers qui refusent d'aller travailler en Chine parce que, par exemple, à Shanghai, il est impossible, en tout cas, de mettre ses enfants dans une école. Et il y a même à Shanghai deux écoles maintenant qui sont deux écoles étrangères, même pas chinoises, qui sont maintenant sous dôme. Donc la cour de récréation est vraiment sous un dôme, comme un fameux film. Oui, oui. Voilà, donc... voilà, par rapport à ces craintes que les Chinois ont et que les étrangers aussi ont un peu, et donc ont maintenant une réticence à s'établir en Chine, qu'est-ce que... Oui, oui, je suis d'accord. Écoutez, c'est très... l'ambassade de Chine à Paris trouve que j'en parle trop. Et du coup, moi, j'ai tendance alors... c'est pas que... chaque fois que j'écris ou que j'interviens à la télé ou à la radio, je parle de ça, mais quand même j'essaye d'être toujours loyal, etc. Et peut-être suis-je trop, du coup. Et effectivement, je n'ai pas parlé assez de la... j'étais des gens que j'ai connus. Moi, j'ai connu plusieurs grands intellectuels. J'ai connu... le Hu Yaobang, hein, c'était un ami. Hein. Vous voyez, Hu Yaobang était un communiste, mais un communiste libéral. Et on buvait du vin tous les deux ensemble. Et quand chaque fois que je partais, je partais avec une caisse de bouteilles de vin. Et c'était un type merveilleux. J'ai connu aussi plusieurs animateurs du courant. Démocratique et j'ai vu des choses épouvantables aussi, et j'ai eu le tort de ne pas vous en parler tout à l'heure parce que ici il y a surtout des gens qui veulent qu'il faut convaincre d'aller là-bas. Alors ensuite c'est vrai qu'il y a une réalité, les gens ne sont pas toujours traités comme il faut. J'ai connu des écrivains qui se cachaient, enfin, etc. C'est un pays qui est dans les mains d'un communiste. En même temps, il y a de plus en plus... Enfin, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux-là peuvent vivre de plus en plus proches de la liberté. Chaque année, il y a plus de gens qui sont riches. En même temps, je suis d'accord avec vous, tout ça ne suffit pas, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Et par ailleurs, il y a aussi des choses ignobles. Dans mon quartier à Pékin, les flics allaient voir la prostituée du coin, c'était la coiffeuse, et ils lui demandaient de faire le boulot, de dire qui faisait quoi, qui, etc., etc., etc. Tout ça, c'est pas sympa, quoi. C'est vraiment... Donc c'est un pays communiste, mais ce que je dis, c'est que la vérité, c'est que c'est de moins en moins grave, voilà, c'est tout. Mais c'est pas terrible, ouais. Merci, vous avez permis de mieux orienter le courant de la conférence. Merci madame. Pardon ? Quel est le niveau de vie d'un Chinois ? Ah, ça dépend. Très franchement, à Pékin... Maintenant, ça évoque un niveau de vie d'il y a une vingtaine d'années chez nous, peut-être 30 ans, 20, 30 ans. Qu'est-ce que vous diriez ? Énormément de choses en fait en Chine, alors que on sait très bien que les voilà. revenus sont plus bas. Ils sont quand même en termes de classement international, ils sont quand même un pouvoir d'achat maintenant qui a dépassé celui des Américains. C'est-à-dire que si on compare aujourd'hui le prix d'un t-shirt en Europe ou même d'un McDonald's ici au Mino est différent d'un McDonald's à Pékin, et c'est ça qu'il faut prendre plutôt que le montant en termes d'euros, de salaire en euros. Et donc aujourd'hui, la Chine c'est quand même la première économie mondiale si on tient compte de ce pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les Chinois peuvent acheter plus de choses en Chine, même si leur niveau de revenu est plus faible. C'est ça qui est important. Et au niveau démographique, justement. Ah, parlez pas de démocratie là quand même, non. Restons sérieux là. Hein? Démographique. Ah, démographique, j'ai entendu démocratique. Ah non. Démographique. Moi, je pense. Non, c'est fini. Maintenant, c'est deux où en fait on peut. Si on met de l'argent, on peut avoir à peu près. On peut en faire à peu près autant qu'on veut, quoi. Hein? Mais il faut mettre de l'argent. Effectivement, ça. On a toujours payé des pénalités. En fait, ça a été. Les gens les plus riches ont toujours eu plusieurs enfants. Enfin, deux en tout cas, parce qu'on payait des pénalités. Et donc, voilà. On nous interdisait pas vraiment d'avoir un deuxième enfant. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement maintenant ça a été aboli, mais il faut savoir que ça va prendre du temps pour avoir un impact sur la démographie, pour avoir une hausse de natalité, parce que finalement, ce qui coûte le plus cher en Chine, et aussi d'ailleurs en France, j'imagine, à Sylvie, c'est le prix au mètre carré. Et en Chine notamment, il est impossible de se loger. Et donc, ce qui contraint en fait les familles et les couples à avoir des enfants, c'est surtout le prix du logement. Donc, c'est pas voilà, en disant aujourd'hui on arrête la politique de l'enfant unique. Des enfants, c'est pas aussi facile que ça parce que le prix du logement est la première contrainte. Et puis surtout, avant même de faire des enfants, donc là, je vais pas aussi dresser un tableau si noir que je l'ai, mais aussi la grande contrainte des jeunes Chinois aujourd'hui, c'est de trouver un époux parce qu'ils ont même plus le temps de faire des rencontres. Et puis ce sont les parents dans des parcs, des squares à Shanghai qui font en fait, qui montrent des photos de leur. C'est très glauque. Hein. Très bien. Qui montrent des photos de leurs enfants avec la taille, l'âge, etc. Ils vous mettent ça sur des parapluies et vous passez devant, vous voyez la cachette, vous allez derrière montrer. Et donc c'est déjà la rencontre parce qu'on est tellement pris par le travail qu'on n'a même pas le temps. Et le résultat de tout ça, c'est bien souvent des couples assez misérables. Enfin, c'est-à-dire, comment dire, les gens n'ont pas eu le temps de s'apprendre de s'aimer avant de se marier. Et il fallait voir, par exemple, quand j'étais à Pékin, quand il y avait cette épidémie, vous savez, là, comment ça s'appelait là ? Voilà, c'est ça. Et il y a eu un moment où les gens n'avaient pas le droit de sortir chez eux. Et voilà que les couples, ils étaient l'un avec l'autre. Et alors on les voyait qui étaient là comme ça. Hein, et c'était vraiment terrible. C'était terrible. Et on souhaiterait qu'ils aient le temps et le droit d'aimer, quoi. Enfin, et puis ensuite, ils se marient pas. C'est leur affaire, quoi. Voilà. Hein. Merci, madame. Vous dites que justement, les Chinois travaillent beaucoup et le temps de travail, justement, c'est hein? Combien? Le temps de travail, c'est un petit peu comme chez nous. La question est, comme toujours, le travail, il est ce que le rapport entre les patrons et les ouvriers permet. Et quand un patron chinois est dur, c'est terrible. Et puis à d'autres moments, dans les entreprises françaises, comme les Français sont souvent un peu niais, pas très au courant, moi, en général, je faisais un premier tour, et puis ensuite je disais au revoir à tout le monde et je repartais. Et puis je revenais d'un coup, très vite. Et on s'aperçoit que ils avaient fait comme si tout le monde travaillait. Et je suis revenu, il y avait la moitié des gens qui étaient au travail, les autres non. Voilà, les autres discutaient, etc., etc. Et tant mieux pour eux. Hein. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est l'expansion forcenée, l'expansion économique à l'étranger. Et je pense en particulier à l'Afrique. C'est bien. Ils créent des entreprises là-bas, donc ils créent des emplois. mais avec un encadrement chinois, bien évidemment. Oui. Et puis peut-être que les ressources du sous-sol africain les intéressent, oui. Et en particulier les terres rares. Oui, oui, je sais. Oui, oui. Je sais. En même temps, en général, ils observent les lois. Ils font beaucoup de bêtises, mais ils observent les lois, quoi. Vous voyez, c'est comme ça. Hein. Monsieur. Oui, et qu'en est-il des différents pilotes que la Chine a installés en Afrique, dans plusieurs pays africains, notamment en Ouganda, et où, alors moi je cite le journal Le Monde, un géographe qui avait écrit, disait que chacune de ces fermes pilotes faites en principe pour aider les populations africaines, il avait fait venir 100 000 travailleurs chinois. Alors, 100 000, je ne sais pas. Mais en tout cas. Par 100 000, je ne sais pas, mais écoutez, en général, ils respectent les lois quand ils y sont contraints. Si on ne les contraint pas, ils ne les respectent pas. C'est un petit peu comme ça. Et bien souvent, ce sont les présidents africains qui se laissent graisser la patte, si vous voulez. Je suis plus intéressé par la ferme pilote qui vient qui est en préparation, la ferme sino-américaine, qui est en préparation. C'est-à-dire, quand Xi Jinping était venu en Chine, et on l'oublie souvent, mais quand Xi Jinping était venu aux États-Unis, il était allé en avril, je crois, ou mai 1980. Et il avait été reçu par des paysans américains. Et ensuite, bah, évidemment, pour faire bien, les diplomates chinois ont entretenu la flamme, et maintenant il y a un véritable projet, disons, d'une ferme sino-américaine. Et c'est très intéressant parce que ça attire l'attention sur quelque chose de considérable et dont bien souvent on ne tient pas compte. Il y a un argent, un engagement extraordinaire, plus ou moins officiel, des riches chinois, dirigeants compris, dans l'économie américaine. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles le lien, disons, entre la Chine et les États-Unis, moi j'en pense plutôt du bien, mais il faut savoir que ce lien est extrêmement fort, il est extrêmement fort pour tout ce qui est, pour tous les, comment dire, pour tous les riches chinois. Il y a notamment les fils de princes, hein, ceux-là, très souvent, ont de l'argent là-bas, des frères là-bas, des sœurs là-bas, etc., etc. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, je ne sais pas comment ça ira, mais je vous mets au courant, en tout cas, de ce point, qui est quelque chose d'extrêmement important. La Chine est maintenant très largement intégrée dans le système américain. Il n'y a pas que ça, elle a aussi évidemment ses moyens et son intelligence à elle, mais elle est intéressée par les États-Unis. Dernière. De toute façon, là, la Chine est en situation de force par rapport aux États-Unis, avec le nombre de milliards en bons du trésor que la Chine détient. Voilà. Et voilà, bien dit. Dernière. Monsieur. Ah, c'est extraordinaire. Tous mes amis qui sont allés disent que c'est extraordinaire, qu'il y a une sorte de peuplement le long des vallées, hein, en quelque sorte. C'est extraordinaire, mais qu'ils font attention, hein, et que les Russes laissent faire. Voilà. Oui, parce que les femmes sibériennes préfèrent épouser des Chinois qui ne doivent pas. Ils ont bien raison. Ils travaillent beaucoup plus que les Russes. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Merci. Au revoir.